Irinduta baltzak dozu izanek nome Kopuñan dotaitzak dozu izan balime Jalpan egriki zemame itxarre Iztame zizketxiki Bieldoro Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. Et aujourd'hui, avec Souris, on va aller du côté des pays de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la Slovénie, la Serbie, aujourd'hui allez, un peu de Croatie. Salut Souris! Salut Milky et salut tout le monde. Bon ben, on n'est pas super en forme tous les deux aujourd'hui, mais C'est voilà. clair. Les Allez. problèmes de l'été. Ouais. Il arrive. Saloperie de plantes. Ah ouais, franchement, quoi. Ah Comme quoi, les hippies, ils avaient vraiment tort sur toute la ligne. ouais. Ah, c'est clair, salopard. Et donc, on va commencer en Slovénie. Ouais, ben, avec Aktivna Propaganda, un groupe bien DIY, quoi, anarchiste, antifasciste. Et puis, bah, ouais, il est particulièrement connu justement donc, pour ses paroles très politiques. Et puis, une musique bien hardcore, quoi, de l'école de la rue et de la communauté anarcho-punk. Avec des membres du groupe quoi, qui sont quand même impliqués et actifs dans pas mal de mouvements et d'activités, tout ça, tout ça. Le titre que j'ai choisi, c'est Sabotage. Et je pense que tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Hein. Au revoir. J'espère. Oh. Là, on est mou du genou, là. Complètement. Hein. Nous venons d'écouter Aktivna Propaganda avec le morceau Sabotage. Et le prochain morceau, c'est Belgrade, en Serbie. Ouais, c'est ça. On va donc du côté de la Serbie avec Krah, un groupe de post-punk qui se décrit comme d'une autre dimension. Et le morceau, c'est Naš trenutak, qui veut dire notre moment. c'était Krach avec Nash Tremutak. Et nous allons aller maintenant du côté de la Croatie, dans la bonne vieille ville de Zadar. Ouais, avec le groupe qui s'appelle Miseria. Si tout le monde captera ce que c'est Isolatia. Nous venons d'écouter les Croates de Migéria et le morceau Isolatia. Et on va rester en Croatie avec dans la capitale, pardon, avec Soukob. Ouais, alors j'ai pas trouvé de traduction adéquate au nom du groupe, hein, donc voilà, on va éviter de mettre des traductions hasardeuses qui n'ont aucun sens. On en restera avec le nom, donc Soukob, et le titre c'est en anglais, One Way Ticket to Ireland. A priori, en fait, les membres de groupe ont participé à beaucoup, enfin, c'est des vieux de la vieille, quoi, qui ont participé à plein d'autres groupes locaux de hardcore et d'anarcho-punk, quoi. Ah bon. D'accord. Yeah. C'était Soukob avec One Way Ticket to Ireland. Et on va retourner du côté de la Serbie à Kraljevo. Ouais, avec un groupe qui s'appelle Hotsu Netsu. Pareil, niveau traduction, je vais pas me risquer, j'ai rien trouvé qui. Enfin, des fois, les traductions, honnêtement, c'est. Voilà, on se dit, bon, on va lâcher l'affaire, quoi. Moi, j'ai trouvé Vège, je ne le ferai pas. Ouais, voilà, tu vois, c'est un peu genre, ouais, bon, bref, c'est possible hein, que ça veuille dire ça, mais il y a certains trucs, en fait, une fois traduit, ça fait trop bizarre, vaut mieux laisser le mystère. Et du coup, le titre, c'est Nula, alors plutôt simple, du coup, c'est zéro. Et voilà pour les Serbes de Hoću, Neću et le morceau Nula. On va retourner maintenant en Croatie, à Pula, une ville dont on avait déjà parlé à l'époque, il y a longtemps, avec Ed. On avait fait une ou deux émissions spéciales sur cette ville. Ouais, bah oui, puisque c'est une ville où pareil, hein, il y a eu quand même pas mal de groupes, quoi. Énormément. Ouais, bon, puis un festival aussi quand même bien connu. Du coup, ouais, c'est un groupe qui date de 89, Frontalni Udar, qui veut dire choc frontal. Alors, je vais me lancer dans la lecture du titre. Je rappelle que, par contre, le croate, je suis pas très spécialiste, hein. Pas être spécialiste de tout. Donc, bon, je me. Serbo-croate, pour l'histoire qu'on n'ait pas de problème. Je me lance, allez. Put ou Shredis. Non, attends. Shredziste Rudnika Kreka Banovici. Voilà. Et Qui ça veut voudrait dire dire. donc la route vers le centre de la mine Kreka Banovici. Moi, j'étais bien, je savourais un peu ce moment où j'avais l'impression de m'entendre dans ta voix en train de galérer Ouais, à lire un après, truc. ouais, c'est ça, quoi. J'avoue que ça, par contre, c'est une langue que je maîtrise pas du tout, quoi. Et honnêtement, le mot là, Shredsiste, Faut arriver à le... Ouais, C'est c'est un surtout, nœud dans t'oublies la de dire langue, là. qu'il a un accent Oui, sur aussi. le S, hein. Ouais, puis alors, les successions de consonnes, là, comme ça, des fois, c'est un peu... Ouais. Surtout, comme on disait, en plus, on est mou du genou aujourd'hui. Franchement, c'est... Ça se dit Sredice. Voilà. Non, Sredice. Enfin, c'est Je pense que compliqué. tu mets la Non, voix Google. non. Ça ira plus vite. Bon, allez, trêve de rigolade. On écoute le morceau. C'était Frontalni Udar avec Putu Sredice Runica Kreka Banovici, Ah, qui ça, veut dire c'était la du route vers le masochisme centre de pur, la hein. mine Kreka Banovici. Hein? C'était du masochisme pur, quoi, de le Complètement. redire encore, quoi. La prochaine, c'est pas mal non plus, puisqu'on retourne à Belgrade, en Serbie, dans les années 80-90. Ouais, avec Krvavi Protocol, qui veut dire le protocole sanglant. Et le titre, c'est Daj mi smrt, qui veut dire donne-moi la mort. Ça a l'air sympa, quoi. Un truc joyeux. Bah, en même temps, vu l'époque du groupe, Oui, voilà, 90-94, hein, voilà. pile au moment où... Où ça part bien en latin. Ouais. Bon, bah, t'inquiète, comme on disait avant, là, apparemment, ça va revenir. Hein. Ah, Donc, c'est clair. c'est un... C'était Kravavi Protocol avec Dajmi Smart, Donne-moi la mort. Et on va terminer cette émission à Belgrade, toujours avec Nagoun. Ouais, alors Nagun, ils sont produits sur Contra Records. Et le titre, c'est Drowning, entre parenthèses, We Are. Donc, c'est pas la Yoda, hein, c'est juste que c'est entre parenthèses. Donc, noyé, nous sommes en train de nous noyer. Et c'était Nagrone avec Drowning We Are. C'est ainsi que se termine ce 98e épisode. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de ce dernier. De rien, puis je crois qu'on va aller se coucher, On va aller se coucher et rester à l'écoute. À la semaine prochaine, car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut! Salut! Bon, on a réussi.